This is a Chucky Beat production. Ce soir chacal c'est le 31, tout le monde s'arrose, prépare terrain. Si ta tarine fait les choses bien, elle est bénouse, elle est champion. Y'a du son, va la choper, fais pas chier père, elle va craquer. J'ai mon croco, sera fin d'année, j'suis nostalgique, j'vais y arriver. Là j'me rappelle des arrivants, du pain dur, des surveillants. C'est 31 et j'le savoure, j'étais bambin, j'le sais dans le fou. Abonné au coup fourré, j'rendais la juge furieuse. Mais j'ai creusé, j'ai pas lâché, au fait moi, c'est pas un lâche. Comme les postis, j'aime opérer, la squale a marqué cette année. La squale est née le 23 juillet, j'te jure ma gueule, il était pas prêt. Tu me l'aurais dit, j't'aurais pas. J'étais même pas présentable. C'est le 31, je me pète les reins. 2018, je compte tout péter. Panque à les fumes comme on pète tout. C'est la fête, tout le monde se flatte. Y'en a beaucoup qui jouent de la flûte. Et pas de personne va t'amuser. Moi j'ai misé sur Ben des Rock. L'album c'est pour bientôt. Luna prolonge son mandat. Même temps la merde elle m'en dit pas. Me dis pas que c'est une tebu. La seule qui croit et qui a cru. Elle a du cran, elle craint pas trop. Elle est fière de Ben des Rock. Ce petit bandit qui fait bader. Le rap il fait bouder. Sera comme un bougiste. Toute l'année la PJ me pisse. Remballe ton PGP. Moi j'ai pigé que tu faisais l'ancien. Et que devant j'étais une ancêtre. Mon ascension c'est jamais faite. Pourtant je connais pas l'ascenseur. Chacal cette fois c'est la dernière. Le dernier des dimanches. Le jour de la dernière année. 24 semaines ont passé. 26 sont déjà envoyés. Voyons guette moi ces faux voyous. Bon qu'aligné des voyelles. Tu vois bien que les échoqués. La rue la presse en Mexico. Chacal pinaille pas trop. Sur du piano je percute Sosa. La recette de ma soso. Sur ces personnes et celles je vais le faire. Je vise tout leur portefeuille. Je leur enfure un guette le feuilleton. J'arrive je suis affamé. 2017 c'est du passé. Mais cette année j'oublierai pas de rue du riz. Ça je m'arrête plus. J'ai fait du chemin depuis Fleury. Aujourd'hui maman sourit, je tuerai pour ce sourire. MCR elle est heureuse, maman tout est fini, le frigo va plus faner. Ce soir je vous dis merci, moi qui servais avenue Marceau. 2018 fait tout gâteau, l'album arrive et mon série me sert pas la main. Tout ce que je sais faire, profite de ta soirée. C'est 31, vas-y me saoule pas, laisse-moi sauter à ma maman. Ce soir je vous dis merci, moi qui servais avenue Marceau. 2018 fait tout gâteau, l'album arrive et mon série me sert pas la main. Tout ce que je sais faire, profite de ta soirée. C'est 31, vas-y me saoule pas, laisse-moi sauter à ma maman. Vas-y, me saoule pas, laisse-moi te le dire, maman. A bientôt. Merci pour tout, je sais pas quoi vous dire. C'est un truc de ouf. Voilà, on a tout baisé la vie grâce à vous. En 5 mois sur le corps, on a niqué la. Nickel.